The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Cold. Froid. Normal. Normal. Why? Pourquoi? Window. La fenêtre. Open. Ouverte. Now, a bit faster. Why? Pourquoi? Normal. Normal. Cold. Froid. Normal. Normal. Window. La fenêtre. Why? Pourquoi? Window. La fenêtre. Normal. Normal. Window. La fenêtre. Normal. Normal. Window. La fenêtre. Now, use the words in context. Normal. It's normal. C'est normal. Pourquoi? Why? Pourquoi? La fenêtre. The window's closed. La fenêtre est fermée.